sauce à calage, cagoulé en TDM. Convoi escorté en BM, au poignet ça veut la RM. La zone passe sur BFM, pendant que je passe sur la FM. On a tous pris la Clio, on la conduit comme la F1. Je vois plus, je vois flou, je m'en fous que des gens me prennent pour un fou. Je trace ma route à fond, elle veut qu'ils mettent son cou. Et en effet, je pourrais faire un fait si tu donnes des infos au monde infâme. Personne te demande si tu vas bien quand tu touches le fond. Loin des gens, ils tapent, ils font les shows, ils veulent créer légende. Ils attendent la moindre embrouille pour raconter des légendes. J'suis pas dans les coups de pute, laissez-moi loin de l'enfer. J'suis pas influenceur, c'est pour défoucher si j'fais des pubs. Jamais j'donnerai quelqu'un, jamais j'sucerai des gens. Tu traînes avec tous les clans, c'est normal si tu crées des gènes. Devant la mer, je dégène. Café au lait croissant, pourquoi tu fermes ton cul quand t'es tout seul? Pourquoi tu fais le gros à 300? J'suis dans les rues à 300, en une heure j'pose 300. Et j'sais quand j'mets un crochet là, c'est qu'il faut bien l'écraser. Oui, mon garçon, j'traînais dans les endroits sombres. Et s'il y a un plan après, le rosé ça va le boire sans glaçon. Le sang y a du doule, et elle est contrefaçant. En mode hitman dans la Lambo, j'fais gamberger les passants. J'passe mon temps à serrer, j'ai de la salade qui me fait sourire. J'suis tellement dans les bails que j'en oublie de me nourrir. Tant que je me vois les mains heureux, moi ça me rend heureux. Je vais jamais faire le trait poteau, je vais mourir en héros. Et sois pas malheureux si jamais t'as pas l'euro. Moi je suis comme un bébé, après manger je fais l'euro. J'ai de la peau au complex. Et Magadi me dit que je ronfle comme Ronflex. J'écris des livres normal, je connais pas mon texte. Moi je dis rien, je garde pour moi ouais, quand on me vexe. La vie est faite de haut de bas, moi je suis toujours debout. Quand je roule, je mets le pare-soleil, je veux pas qu'on me voit, alors je monte un peu le coude. Je suis loin des coudes, fils de. Ne me cherche pas, sinon tu risques de le regretter, me mettre en crise de. Né avec ton fils de merde, dans une ville où tout le monde veut se faire entendre et faire peur comme la prise des mers. On se lâche pas trop sur la confiance, nous sommes délicats. Moi et la rue c'est fini, je coupe le cordon ombilical. On me dit que la vie est parfaite pour pleurer, alors je ricane. Et arrêtez de me chauffer, sinon ça sort la jerricane. Rien que je m'énerve, ma gadji me dit chéri calme. Les gens ils restent au check parce que j'ai trop cher à Cannes. Ça fait des plans gadji, c'est à celui qui pourra ken. Ça a pas un pour l'essence, mais ça loupe des huracanes. En cas de problème, c'est les jaloux qui pompent, toujours les bons qui partent, toujours les vaillants qui tombent. Toujours les mêmes, pas de pacte avec Satan. Si tu donnes un go, sache qu'un jour ça s'apprend. Et quand on fait du mal, c'est à quoi on s'attend. Et quand on fait du bien, nous on fait pas semblant. Mon vexé, c'est mon sang, là, j'ai plus d'appétit. Et quand je sais plus où j'en suis, je me confie à ma petite. J'ai trop la tête dans le sang, je peux pas l'avoir sur le marketing. La vie d'un m'a blessé, je peux te dire qu'il est marqué le tigre. Tranquillement, ça va. Là je fume la lava. Pour que tu sois dans leur camp, au cerveau ils te font des lavages. J'ai fait des kilomètres, maintenant j'ai kilo mic. C'est kilomètre, il vient il fait le fou, mais c'est qui le mec? J'suis dans l'or et le platine comme Johnny H. Va falloir venir me chercher pour que je descende de mon nuage. Petit cogne, tu dis que des conneries. Je veux pas fumer de France ses enfants, pour ses parents je suis une icône. Je suis pas vous, bande de comiques. Je veux pas finir alcoolique à cause d'eux. Ils me font gamberger à m'en faire des coliques, pas de brolique. Confiance au bon Dieu, traîne vite bandit, c'est tendu. Qui va tendre un billet si demain tu m'en dis? Ils cherchent pas à me connaître, ils cherchent à savoir combien j'ai vendu. Et là c'est quand ils croient que je suis mort parce qu'ils m'ont plus entendu. J'investis gros, nique sa mère la vente. Et sache que depuis le début, tous mes clips je les rends en tas.